Jean Bernatchez. Oui, moi, je suis de l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski. Je suis politologue de formation, professeur en administration et politique scolaire, qui s'intéresse principalement aux politiques de l'enseignement supérieur, de la science, à la gouvernance scolaire aussi. D'accord, donc vous étiez là au colloque de la Révolution sur la science ouverte cet après-midi. Tout à fait, tout à fait. Et j'aurais trois petites questions à vous poser, donc pour Hack Your PhD, le projet sur la science ouverte. Donc déjà, qu'est-ce qui est pour vous le point central qui ne va pas dans la recherche aujourd'hui? Je dirais tout l'aspect de la privatisation de la science. Donc, on est passé d'un modèle qu'on pourrait qualifier de république de la science, où le savoir était vraiment partagé entre les chercheurs, où il y avait vraiment une prise sur les décisions qu'ils prenaient, à un modèle qu'on pourrait qualifier d'économie de la connaissance ou d'économie du savoir, qui fait en sorte qu'on cherche davantage à privatiser les choses. Donc, le savoir a une valeur marchande, on cherche à se l'approprier par différents moyens. Donc, une forme de privatisation, les brevets également qu'on prend sur les réalisations, le fait que certaines données de recherche demeurent confidentielles parce qu'elles ont été produites dans un contexte de recherche contractuelle où on a une entente avec le pourvoyeur de fonds qui fait en sorte qu'on ne peut pas divulguer les résultats. Moi, de mon point de vue, le plus grand problème actuellement, c'en est un de privatisation de la science, privatisation des données, alors que pourtant on fonctionne avec un modèle où c'est de l'argent public qui contribue à financer la recherche. Et donc pour vous, vers quoi devrait tendre la recherche? Qu'est-ce qu'on devrait retrouver, peut-être? Exactement, c'est exactement le contraire. Donc, on devrait accéder à une science qui soit plus largement partagée, donc qu'on puisse partager nos réalisations de recherche de façon la plus libre possible, sans les contraintes, sans les entraves des lieux de publication scientifique qui sont orientés vers le profit. Donc, je pense qu'il faut partir de la base, des échanges entre les chercheurs, l'échange des données. Je trouve des choses très prometteurs, notamment du point de vue du partage des données. J'ai vu notamment des cahiers de recherche qui sont partagés par des chercheurs un peu partout dans le monde, notamment en chimie, en physique, où de plus en plus on observe ça. Donc, le partage des données, puis être en mesure davantage de collaborer aussi avec les chercheurs un peu partout. Ça serait un moyen d'y arriver. Exactement. Donc, on n'a pas de permission à demander à personne. Deux personnes consentent. Il y a un chercheur qui fait ça en chimie, puis il m'a dit qu'à partir du moment où il y a 2 ou 3 % des chimistes qui commencent à agir de cette façon-là, il y a déjà la masse critique qui permet d'avancer. Donc il ne faut pas attendre que tout le monde le fasse. La masse critique n'est pas si élevée que ça. Exactement, il ne faut pas attendre que tout le monde le fasse. On le fait dès maintenant, agir localement en quelque sorte, puis on peut transformer le monde comme ça. Super, merci beaucoup.